1 Timothée chapitre 6. Que tous les serviteurs qui sont sous le joug sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneur, afin qu'on ne blasphème point le nom de Dieu et sa doctrine. Que ceux aussi qui ont des maîtres fidèles ne les méprisent point sous prétexte qu'ils sont leurs frères, mais plutôt qu'ils les servent à cause qu'ils sont fidèles et bien-aimés de Dieu, étant participants de la grâce. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement, et ne se soumet point aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais il est malade après des questions et des disputes de paroles, d'où naissent des envies, des querelles, des médisances, et de mauvais soupçons. De vaines disputes d'hommes corrompus d'entendement, et privés de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner. Retire-toi de ces sortes de gens. Or la piété, avec le contentement d'esprit, est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter au monde, et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture, et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. Or ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et dans le piège, et en plusieurs désirs fous et nuisibles, qui plongent les hommes dans le malheur et dans la perdition. Car c'est la racine de tous les maux que la convoitise des richesses, de laquelle quelques-uns étant possédés, ils se sont détournés de la foi, et se sont enserrés eux-mêmes dans plusieurs douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu es appelé, et dont tu as fait une belle profession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement, en te conservant sans tache et irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul prince, roi des rois et seigneur des seigneurs, montrera en sa propre saison. Lui qui seul possède l'immortalité, et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul des hommes n'a vu, et ne peut voir, et auquel soit l'honneur, et la force éternelle. Amen. Dénonce à ceux qui sont riches en ce monde, qu'ils ne soient point hautains, et qu'ils ne mettent point leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais au Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, se faisant un trésor pour l'avenir, appuyé sur un fondement solide, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle. Timothée, garde le dépôt, en fuyant les disputes vaines et profanes, et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession, se sont détournés de la foi. Grâce soit avec toi. Amen.